tu as mes yeux. La famille sont les seules personnes sur qui je peux compter sans me faire tromper. Sérieux, qui veut leur faire du mal finira en enfer. Je sers, s'ils ont besoin de moi, je les sers, toujours sincère. Envers eux, insère un véritable amour dans mes gènes. Ingère une tas de sentiments, digère les mauvais moments. J'ai sentiment d'esprit se perdre, car on a tous nos problèmes, nos joies et nos peines. Quand j'étais gauche, je voulais percer, leur offrir une ville à piscine. Que mon père arrête l'usine, usé par la fiche, fusil toujours sur track. Produit nuit et jour à court de thunes, je craque, jamais je braque. Je ne veux pas voir ma mère venir me voir derrière une cage. C'était pas dans ses projets, son espoir était plus large. Je me suis promis de jamais décevoir ceux qui m'ont élevé et nourri. Quand je vais à la maison, c'est le vrai qui me sourit. N'oublie pas ta famille à cause d'une femme, et n'oublie jamais la première, celle qui t'a mis au monde. Car même parmi tes amis, peu d'entre eux remuer ciel et terre pour te voir heureux dans ce monde. Y'a que sur tes parents et tes frères sur qui tu pourras compter. N'oublie pas qui tu dois régler tes comptes, car ici pas le temps t'est compté. Tant d'ados qui font des fugues avec rien dans les poches. Des jeunes filles qui préfèrent se salir plutôt que d'obéir à leurs proches. Tu trouveras pas ton bonheur loin de ceux qui t'aiment, comme tu trouveras pas de sourire sur une personne qui tient des crises en tête. Tu t'en rends compte une fois tes proches enterrés six pieds sous terre. L'amour se voyage à pile, vite les chemins de fer. Et les traîtres au cœur en fer. Sache que le paradis est sous les pieds de ta mère, et que la luxure est au pied de l'enfer. Rapide si tu goûtes à cette pomme amère. La vie t'apprendra que celles qui te font du pied ne sont que les diablesses de Lucifer. On vit pour la famille, on meurt pour la famille, on tue pour la famille, on prie pour la famille. On se prive, on trime, on crie, on pleure, on se crève, en bref, pas de trêve pour la famille. On vit pour la famille, on meurt pour la famille, on tue pour la famille, on prie pour la famille. On se prive, on trime, on crie, on pleure, on se crève, en bref. Un héritage alors que d'autres sont greniers, que d'autres encore sont enfermés par le père dans le grenier. Le pire c'est ceux qui sont vendus à des fermiers pédophiles, repliés sur eux-mêmes et personne pour les aider, pour les aimer. Pas de famille, pas de repère, abattée par des rêves, elle finit par céder. Quitter la maison familiale pour finir maltraitée dans des scènes, traitée comme une chienne. T'es parti de chez tes parents pour finir avec ton chien dans la rue, c'est navrant. Faire la manche, baiser des ravants, y'en a même qui respectent plus leur pétasse que la femme qui les aime. Fanant comme ceux qui insultent leur mère, vénèrent leur pute comme une reine, rageant comme une femme sainte qui voit toujours son amant. Les dés sont jetés, chacun fait ce qu'il a à faire. On se retrouvera chez Dieu ou chez Satan. À trois hivers, ton père part quand même travailler. Toi tu penses qu'à te tailler des cours ou bien te taillader. Alors tu fais des crises d'ado, passe de foyer en foyer. Tu croyais qu'à rentrant t'allais voir ta mère, mais c'est mort cette maladie la foudroyée. Tu sors toujours le soir quand ton père rentre. Il aimerait voir sa famille unie, mais a toujours une absence qui l'empêche de se remplir le ventre. Quoi de plus tu t'es fait avoir. Les traîtres viennent de partout, ils se dangent de la rue, tu n'arrives plus à le voir. Tu réfléchis où dormir ce soir. T'aimerais t'embrasser tes parents, mais ton orgueil t'empêche de les revoir. Tu pars en tôle, pas un ami t'envoie une lettre. Les filles prennent pour une bête, mais ton père parcourt toute la ville pour t'apporter des baskets. Tu claques ton argent au casino, te prend pour une vedette. Et plus tard, ce sera tes parents qui vendront leurs biens pour rembourser tes dettes.